بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا notre 16e assise autour de ses fondements et ses particularités, et des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui sont des cours extraits des livres du Cheikh Rabi', de l'érudit Cheikh Rabi', Hafidhahullah Ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et fait partie des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est le fait de prendre, pour tout litige, pour tout problème, de revenir et de prendre comme juge le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et pour confirmer ce fondement salafi, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala dit, en répliquant à Abul Hassan al-Ma'ribi, le Hizbi, Abul Hassan yadda'i annahu wa ahlus sunna. قال الشيخ ربيع ولا ندري من هم أهل السنة عنده، ولعله يريد بهم أتباعه الذين وصفهم بأنهم يسيرون على أصول علمية وعندهم إدراك للمصالح والمفاسد والحال والمآل، أي أن هؤلاء العوام المتعلقين بمنهجه الفاسد قد وصلوا إلى مراتب الأئمة الكبار الذين يدركون المصالح والمفاسد. إذن كده حفظه الله تعالى وغيبليكم أبو الحسن يدعي أنه أهل السنة من أصحاب الدليل، ولا يقبلون إلا الدليل، ثم تراه في قضايا الخلاف يخالف الأدلة والأصول الإسلامية، مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ومثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. إذوك شيخ ربيع الدي Abul Hassan prétend que lui est les gens de la Sunna. Et il dit aussi, Cheikh Rabi, il dit, je ne sais pas qui sont les gens de la Sunna pour Abul Hassan. Peut-être que ce sont ses ignorants parmi ses disciples, ou ces gens de la masse qui le suivent, hein, qui ne sont pas sur des fondements scientifiques, et qui ne peuvent pas capter les intérêts et les corruptions, faire la différence et capter hein, les actes qui amènent vers le bien et les actes qui amènent vers le mal. Il dit ces gens qu'il appelle les gens de la Sunna, ce sont ces gens de la masse qui sont attachés à la fausse voie hein, de Abul Hassan, et comme ça ils sont arrivés au degré des grands hommes de science qui comprennent ce que c'est que les corruptions et les intérêts. Il dit, Hafidhahullah, Abul Hassan prétend que lui et les gens de la Sunna font partie des gens des preuves, qui n'acceptent que les preuves. Il dit, on le voit dans certains sujets de la divergence, il agit en divergence avec les preuves et les fondements islamiques. Il dit, comme le verset qui dit ceci dans la traduction approximative, si vous avez un problème, donc quoi que ce soit, ramenez-le vers Allah et vers son messager. Si vous croyez en Allah et en le jour dernier, c'est la meilleure des interprétations que vous allez en faire. Et aussi, il agit avec divergence concernant l'autre verset, si vous avez des divergences sur quoi que ce soit, le jugement appartient à Allah. قال حفظه الله للسنة يسيرون على منهج السلف في الاحتكام إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما وزن أقوال الرجال بالكتاب والسنة بفهم السلف. وقال حفظه الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله, ويقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله, ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي في مواطن الاختلاف. فهذا هو المنهج الذي يجب أن يسلكه المسلم في قضايا الخلاف, وقد بينا هذا فيما سلف. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les gens de la sunna sont sur la voie des pieux prédécesseurs wallah alim, dans le fait de prendre comme juge le livre et la sunna, et de se cramponner au livre et à la sunna, et de peser les paroles des gens, hein, pour eux le baromètre pour peser les paroles des gens c'est le livre et la sunna selon la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Le verset dit ceci dans sa traduction approximative: si vous litigez sur quelque chose, vous avez la différence sur quoi que ce soit, ramenez-la vers Allah. Et dans l'autre verset qu'il a cité, si vous avez des divergences sur quoi que ce soit, le jugement appartient à Allah. Et le messager a dit alayhi salatu wassalam: cramponnez-vous à ma voix et à la voix du khalif bien guidé. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, au moment des divergences, cramponnez-vous à ma voix et à la voix du Khalif bien guidé. Il dit, ça, c'est la voix qu'il est obligatoire à tout musulman de suivre en ce qui concerne les divergences. Il dit, nous avons donné des éclaircissements sur ceci auparavant. Il dit, فَإِنَّ الْمَرْجِعَ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Il dit, la base est la source. C'est le livre, la sunna, selon la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous éclaircit sur les divergences qui sont dans la communauté. Que la cause de ces divergences, c'est le fait de ne pas prendre comme juge Allah et son messager, c'est-à-dire de ne pas ramener les divergences vers le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salam, et de suivre les passions. Il dit, si les gens prenaient comme juge le livre et la sunna, dans tous les litiges et dans toutes les divergences qu'il y a, qu'ils ont entre eux, les divergences auraient trouvé leur solution. Et il n'y aurait plus de problème entre eux. قال حفظه الله فمشاكل المسلمين الآن التي تملأ الدنيا والعياذ بالله لو حكموا كتاب الله هذا لتلاشت هذه الخلافات كلها. عقائدية وسياسية وغيرها, ولكن مع الأسف كما قال الله في هذه الآية نفسها: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي والحسد والكبر هو الذي يمنع الناس من الاحتكام إلى الله والرجوع إلى الحق في ضوء هذا الكتاب. وإلا فما معنى بقاء هذه الطوائف الروافض بفرقهم والصوفية بفرقهم والباطنية بفرقهم إلى غير ذلك. Il dit, حفظه الله تعالى, les problèmes des musulmans aujourd'hui, les grands problèmes qu'il y a à travers le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, il dit, si les musulmans avaient pris comme juge le livre d'Allah, tous ces problèmes seraient résolus. Que ce soit au niveau des croyances, ou au niveau de la politique ou autre. Il dit, mais malheureusement, avec regret, ils agissent comme il est stipulé dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci: ils ont divergé, ceux qui ont reçu le livre, ils ont divergé sur le livre après avoir reçu les éclaircissements. Ils agissent ainsi pour se causer du tort et pour causer des torts les uns les autres. Et le fait, il dit Hafidhahullah, le fait, la jalousie, l'orgueil, le fait de vouloir se causer le tort mutuellement, c'est ce qui empêche les gens à prendre comme juge le livre d'Allah et à revenir à la vérité et à revenir à la vérité, à la lumière du livre d'Allah. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le fait que ces groupes y restent? Hein, il existe maintenant, que ce soit Rawafid avec leurs différentes tendances, que ce soit les Sofis avec leurs différentes sectes, que ce soit les groupes ésotériques avec leurs différents groupes et ainsi de suite. وقال حفظه الله نحن الآن نرى الأمة تفرقت وتمزقت وما السر في ذلك إنه اتباع الأهواء والعياذ بالله لو حكمنا الله ورسوله في قضايا الخلاف لا يمكن أن يستمر أبدا ولكن الاستمرار دليل على أن كثيرا من الناس يتبعون أهواءهم ويركبون رؤوسهم ولا يخضعون لتوجيهات الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فلا بد من الاحتكام لله ورسوله وبهذا تنحل الخلافات ويذهب هذا التفرق وتتبدد هذه الأهواء فإذا لم نكن على هذا المستوى فما أماننا إلا الضياع وما أمامنا إلا الضلال والهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Nous voyons aujourd'hui que la communauté s'éparpille, s'est divisée. C'est quoi le secret dans tout cela? Il dit le secret c'est tout simplement le fait de suivre les passions que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il dit si on prenait comme juge Allah, c'est-à-dire le livre d'Allah et hein, la sunna du messager alayhi salatu wasalam dans tous les sujets et dans tous les points sur lesquels on a des divergences, ça ne peut, c'est impossible que les divergences puissent continuer. Il dit mais puisque les divergences continuent, hein, et persiste, ceci est une preuve que beaucoup de gens hein, suivent leur passion. Hein, et beaucoup de gens ne se soumettent pas aux orientations d'Allah Azza wa Jal, aux directives d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans ce verset qui dit, si vous avez hein, des divergences sur quoi que ce soit, ramenez-la vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah et vers la sunna du messager alayhi salatu wasalam, si vous croyez en Allah, ou le jour du renier, le jour dernier, c'est la meilleure des interprétations que vous pouvez en faire. Il dit, il est obligatoire de prendre comme juge Allah et son message, c'est-à-dire le livre d'Allah et son message, alayhi salatu wasalam. Il dit, avec ça, seulement, c'est avec ça, en prenant comme juge le livre d'Allah et la sunna du messager, alayhi salatu wasalam, que les problèmes vont s'estomper, et que la division va disparaître, et que les passions vont être anéanties. Hein? Et si on vient pas à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire, si on revient pas au livre et à la sunna, devant nous, il n'y a que la perte. Devant nous, il y aura que l'égarement. Devant nous, il y a que les catastrophes dans ce bas monde et dans le delà. Il fait partie aussi des fondements et des particularités des salafis, c'est que, qui font leur différence par rapport aux disciples des passions et des innovations, c'est que, ils se cramponnent au juste milieu. Dans toute leur situation, que ce soit dans leurs croyances, que ce soit dans leurs voix, dans leurs adorations, dans leur comportement, dans leur et ainsi de suite, dans toutes les situations. Pas d'extrémisme, pas de laxisme non plus. وفي بيان وتقرير هذا الأصل السلفي الأصيل يقول العلامة المجاهد ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وغفر له المنهج السلفي من بين المناهج الموجودة هو المنهج الوسط المعتدل لمن فقهه حق الفقه لا الأدعياء فمن فقه هذا المنهج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرتي وسيرة السلف الصالح يعرف أن المنهج السلفي هو دين الله الحق القائم على الاعتدال والقائم على الصراط المستقيم والقائد إلى الحق في عقيدته ومنهجه وتربيته ودعوته بينما تجد في المناهج الأخرى التأرجح بين الإفراط والتفريط. Et pour nous éclairer sur ce fondement salafi, Cheikh Rabi, Hafidhahullah, ce combattant, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, dit la voie salafi, c'est la voie qui existe, qui est la voie du juste milieu. Il dit pour celui qui comprend la voie salafi, comme il se doit, il sait que ça, que c'est la voie du juste milieu, non pas les prétendants salafi. Il dit, celui qui comprend la voie salafie, qui la comprend du livre et de la sunna et de la biographie du messager alayhi salatu wassalam et de la biographie du pieux prédicateur d'Allah alim, il sait que la voie salafiste c'est la religion véridique d'Allah azza wa jalla, que cette religion elle est accomplie sur la justice, cette religion est accomplie sur la voie droite, et c'est cette voie droite qui mène vers la vérité, que ce soit dans les croyances, dans la voie, dans l'éducation, dans la da'wa. Il dit quant aux autres voies qui existent, ils sont soit dans l'extrémisme, soit dans le laxisme. يقول المنهج السلفي وسط في الفرق كوسطية الإسلام بين الأديان والملل السابقة. دي la voie salafi est elle est dans un juste milieu par rapport au groupe qui existe dans la communauté. Comme l'islam, elle est dans le juste milieu parmi toutes ces religions qui existent, hein, et qui sont passées avant. وقال حفظه الله فأهل السنة وسط بين الفرق كلها كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم كلها أهل السنة وسط بين الفرق التي انحرفت عن دين الله الحق وعن صراطه المستقيم ومنهاجه القويم فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية المعطلة وبين المشبهة الغالية الشاهد أن أهل السنة وسط في كل أبواب الدين ومنها قضايا العقيدة وقد ضربنا لكم مثلا بالمشبهة والمعطلة أهل السنة توسطوا في مرتكب الكبائر بين الخوارج والمرجئة il dit حفظك الله سبحانه وتعالى le préserve les gens de la sunna sont dans un juste milieu par rapport au groupe qui existe par rapport à tous ces groupes qui existent dans la communauté comme cette communauté elle est dans un juste milieu par rapport aux autres communautés. Dit les gens de la sunna sont dans un juste milieu par rapport à tous ces groupes qui ont dévié de la religion véridique d'Allah, qui ont dévié de la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la voie qui mène vers Allah. Dit les gens de la sunna sont dans un juste milieu au niveau des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans un juste milieu entre les jahmites qui nient tous les attributs d'Allah azza wa jal et qui les dépouillent de leur sens et entre eux ceux qui font des similaires à Allah azza wa jal qui font des ressemblances à Allah subhanahu wa ta'ala et les gens de la sunna sont au milieu de ceux-là ils sont entre les jahmites négateurs des attributs d'Allah et ceux qui font des ressemblances à Allah subhanahu wa ta'ala qui vont à l'extrême pour chercher des ressemblants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit le témoignage, c'est que les gens de la sunna sont dans un juste milieu à tous les niveaux de la religion. Et que ce soit au niveau des croyances, il a dit, nous avons donné l'exemple entre le mushabbiha wal mu'attila. Et les gens de la sunna sont dans un juste milieu concernant le musulman qui commet des péchés capitaux. Ils sont dans un juste milieu entre le khawarij et le murji'a. يقول أهل السنة توسطوا في مرتكب الكبائر بين الخوارج والمرجئة سلكوا الطريق الوسط بين هؤلاء وهؤلاء قالوا إن مرتكب الكبيرة غير المستحيل لا يخرج من الإيمان فيقال له فاسق مع ذلك يقال له ناقص الإيمان بقدر ما يرتكب من المعاصي حتى لا يبقى له إلا أدنى مثقال ذرة من إيمان عند الخوارج والمرجئة والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا ينقص. Et les gens de la sunna sont dans un juste milieu concernant les musulmans qui commettent des péchés capitaux. Ils sont dans un juste milieu entre le khawarij et le murji'a. Et ils ont pris un juste milieu, ils ont dit, les gens de la sunna ont dit que celui qui commet des péchés capitaux et qui ne dit pas que c'est licite de commettre ces péchés capitaux ne sort pas de la foi. Mais ils disent de lui que c'est un fasiq. C'est-à-dire un désobéissant, et que c'est quelqu'un dont la foi a diminué, et sa foi a diminué par rapport au péché qu'il a accompli. Et il peut diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste que le grain d'une moutarde, c'est-à-dire qu'il reste quelque chose de peu, de minime. Le khawarij et le murji'a ainsi que le mu'tazila disent que l'iman, la foi, n'augmente pas et ne diminue pas. وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والعصاة يستحقون الذم وهم معرضون للعقوبة الشديدة والخوارج يكفرونهم والمرجئة الغالية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعرض العاصي لنصوص الوعيد ولا للعقوبات ولا وعندهم وعند سائر المرجئة أن إيمانه لا ينقص أبدا، وإيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. إلدي حفظه الله تعالى كل خوارز أنسي كل مرجئة أنسي كل معتزلة ديز كل إيمان نغمونت باي نو ديمينو با. إلدي لجان دولا سنة ديز لا فوا أغمونت avec les obéissances et diminue avec la désobéissance. Et que ceux qui commettent des péchés méritent le blâme et qu'ils sont exposés à de sévères punitions. Il dit le Khawarij rendent de mécréants ceux qui commettent des péchés capitaux. Il Morji'a, les extrémistes du Morji'a disent que les péchés ne gênent rien avec la foi, que les péchés, ça veut dire, ne font pas diminuer la foi. Et que celui qui fait des péchés n'est pas exposé au texte de l'avertissement, ni au châtiment, ni, etc. Et pour eux, et pour tous les Morji'a, la foi ne diminue pas jamais, que la foi du plus pervers des gens, il est comme la foi de Jibril, il est comme la foi de Mohammed alayhi salatu wassalam, wa l'ayadun billah. يقول أولئك الخوارج تعلقوا بجانب من الإسلام نصوص الوعيد فأخرجوا العصاة من دائرة الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار. Il a dit, les khawarij se sont attachés à un côté de l'islam et se sont attachés au texte de l'avertissement. Ainsi, ils ont sorti ceux qui commettent des péchés, des péchés capitaux, ils les ont sortis de la foi et ils ont décrété comme quoi ils vont être éternellement au feu de l'enfer. والمرجئة أبقوه في دائرة الإيمان الكامل لا تهز إيمانهم كل المعاصي والجرائم فإيمانه كامل لا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان عنده المعرفة أو التصديق والإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقص. المرجئة ont gardé le musulman qui commet des péchés, ils l'ont gardé à l'intérieur du cercle de la foi. Et que, comme quoi, il a la foi complète, que peu importe les péchés ou les crimes qu'il aura fait, ça ne diminue pas sa foi reste complète. Pourquoi? Parce que pour le Morji'a, la foi, pour eux, c'est la connaissance, ou tout simplement le fait de prendre comme véridique. De connaître, de prendre comme véridique. Ça, c'est la foi. La signification de la foi, c'est le Morji'a. Et que la foi n'accepte ni la diminution, ni le rajout, ni il augmente, ni il diminue. Donc il est quelque chose de complet qui reste comme ça. أما أهل السنة فحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا إلى مجموع الشريعة فأخذوا بنصوص الوعيد وأخذوا بنصوص الوعد. Quant aux gens de la Sunna, ils ont pris comme juge le livre d'Allah et la Sunna du messager alayhi salatu wassalam. Ils ont regardé l'ensemble de la législation et ils ont mis en application les textes de l'avertissement et ils ont pris aussi les textes des promesses et des bonnes promesses. Les promesses qu'ont les croyants et qu'ont ceux qui accomplissent les bonnes œuvres et ainsi de suite. وقال حفظه الله فأهل السنة هم الوسط دائما بين فرق الأمة أما هؤلاء فإما إلى الجفاء وإما إلى الغلو وأهل السنة لا جفاء ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, que les gens de la sunna sont toujours dans un juste milieu entre les groupes de cette communauté. Quant à ceux-là, c'est-à-dire quant à ce groupe, soit ils sont dans l'extrémisme, soit ils sont dans le laxisme. Et chez les gens de la sunna, il n'y a ni extrémisme ni laxisme. وقال الشيخ عزه الله في سياق رضي على المالك الزائر أيها الرجل إن المنهج السلفي قائم على الكتاب والسنة والعدل والإنصاف والاعتدال والتوسط فيه في كل أبواب الدين. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, que Allah subhanahu wa ta'ala lance sa vie dans son obéissance dans le contexte de sa réplique al-maliki qui a divié le déviant. Ô homme, il lui a dit, ô homme, la voie salafie, il est accomplie sur la base de la voie salafie, c'est le livre de la sunna. Et cette voie salafie, il est accomplie sur la justice, sur l'acquitté, sur le juste milieu à tous les niveaux de la religion. يقول والظلم والانحراف والضلال والجور في الأحكام إنما هو عند خصومهم ولو كان عندك أدنى حد من الاعتدال والصدق والإنصاف لما وجهت سهام حقدك لأهل الحق والإنصاف والاعتدال أهل السنة والحديث السلفيين. Il dit, toujours en répliquant à ce Maliki, il dit l'injustice, la déviance, l'égarement, le fait de dépasser les limites dans les lois, tout ceci existe, c'est les adversaires des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et il lui dit, si tu avais la moindre justice, et un peu de véracité, un peu d'équité, tu n'aurais pas orienté tes flèches de jalousie et de haine contre eux, les gens de la vérité, les gens de l'équité et les gens de la justice, qui sont les gens de la sunna, les gens du hadith, les salafis. وقال سدده الله فإننا معشر السلفيين ندين الله بالتوسط والاعتدال في الأمور كلها في العقائد والعبادات والأخلاق والمناهج وقد حاربنا الغلو ولا نزال نحاربه بكل أشكاله في العقائد والعبادات والأشخاص فمن الظلم أن نرمى به من أناس لا ناقة لهم ولا جمل في حربه إلى ذي حفظه الله تعالى نزدق سلفي ها نتخ religion. C'est une religion du juste milieu et de justice dans toutes les situations, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau des comportements, au niveau de la voix. Il dit, nous combattons l'extrémisme et nous ne cessons de le combattre. L'extrémisme dans tous ces genres, on le combat, que ce soit dans les croyances, dans les adorations, concernant les individus. Il dit, c'est injuste qu'on soit traité d'extrémiste. Hein? Alors que nous combattons l'extrémisme et nous combattons les gens qui sont loin, qui baignent dans l'extrémisme. يقول ونحارب الجفاء والتمييع بكل أشكاله في العقائد والعبادات والأخلاق والأشخاص والجماعات ولا نزال نحاربه فمن الظلم والإفك أن نرمى به أيضا. Il dit حفظه الله تعالى et nous combattons le laxisme et nous combattons Tamayyur, le fait de fondre dans la masse. Tamayyur dans toutes ses formes, c'est-à-dire le fait de fondre avec tout le monde et de rentrer dans tous les groupes. Hein, nous combattons le laxisme et tamayyur dans toutes ses formes, que ce soit dans les croyances, dans les adorations, dans les comportements, concernant les individus, concernant les groupes. Et nous sommes toujours en train de le combattre. Et c'est injuste de nous accuser d'être des gens laxistes, d'être des moumayya. يقول نقوم بكل ذلك أي التوسط والاعتدال ومحاربة ما يناقض انطلاقا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح إلى ذلك ندعو دائما وعلى ذلك نربي ومن نسب إلينا غير هذا المنهج فقد كذب وافترى علينا إفكا عظيما. إذ حفظه الله تعالى nous accomplissons ce juste milieu. Et nous combattons tout ce qui est en contradiction avec le juste milieu. Et notre point de départ, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager, alayhi salatu salam. Et la voix du pieux prédisseur d'Allah, alayhim, et nous appelons vers, ou nous appelons toujours, vers le livre, la sunna et la voix du pieux prédisseur d'Allah, alayhim, et nous éduquons ceux que nous éduquons sur cette voie-là. Et celui qui nous attribue autre chose que cette voie, il a menti, Il a émis un mensonge nous concernant. Et il a émis un énorme mensonge. Une grande calomnie. Et aussi, un point très important, c'est que beaucoup ont mal compris ce que ça veut dire le juste milieu. Et certains ont compris du juste milieu, c'est le fait de fondre dans la masse, d'être avec tout le monde, et de caresser les gens dans le sens du poil, et faire des concessions sur les principes salafis. Ainsi, ils sont partis à caresser les gens de l'innovation dans le sens du poil, prétextant, c'est ainsi qu'il faut agir pour ne pas être extrémiste et pour être dans un juste milieu. Et c'est ce qu'on appelle le mudahana. Mudahana, c'est le fait de ne pas blâmer le mal pour des intérêts. Et vivre au milieu de la corruption pour des intérêts. Et ça d'une part. Et d'autre, on voit d'autres qui sont dans l'autre opposé, dans leur mauvaise compréhension du juste milieu. Parce qu'ils ont cru que le fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a insisté et a orienté la communauté à se cramponner au livre et à la sunna et d'être différent et de s'éloigner des gens de l'innovation et de les mettre à la quarantaine et de les avertir contre eux et contre leur égarement, ils ont compris de cela d'être sévères et donc ils ont agi d'une façon sévère. Cette façon a défiguré en quelque sorte l'image de la salafia. Et Cheikh Rabih nous a donné, dans le passage qui va arriver maintenant, nous donne un éclaircissement sur toutes ces compréhensions et sur le mauvais de ces deux compréhensions qui sont une contradiction, tous les deux sont une contradiction avec la salafia. قال ولعلنا أدركنا نتائج ضيق العطن والشدة المهلكة وما شاكلها وأدركنا نتائج ما يسمى بالتمييع والمداهنات فلا هذا ولا ذاك وإنما منهج وسط رضي الله لهذه الأمة ومدحها عليه قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Il dit, Abdallah, nous apparaît clairement que ces définitions sont fausses. Le fait de caresser les groupes égarés dans le sens du poil, de fondre au milieu d'eux, tamayur, et le fait d'aller à l'extrême dans la sévérité. C'est-à-dire, ces deux extrêmes c'est une mauvaise compréhension de la voie salafie. Il dit, et nous avons capté le résultat qui émane, de la dureté et de la sévérité. Et nous avons capté le résultat qui émane du fait de fondre dans la masse et de caresser les innovateurs dans le sens de poil. Il dit ni ça ni ça. La voie, c'est la voie d'un juste milieu que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette communauté pour laquelle il l'a élogé. Il a cité le verset dont la traduction approximative dit ceci. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste au milieu pour que vous soyez des témoins sur les gens et que le messager soit témoin sur vous. Et nous avons, et la qibla que nous avons, vers laquelle on t'a orienté pour savoir, nous l'avons instauré pour savoir qui va suivre le messager, qui va s'y tourner. Et il n'est dur que pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Il est facile pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous léser dans votre foi, c'est-à-dire dans vos actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est doux, il est clément avec les gens. يقول حفظه الله وسط العدول وفي نفس الوقت متوسطون ومعتدلون بين الإفراط والتفريط. Il dit concernant ummatan wasata, il dit ce sont des gens du juste milieu. Et en même temps, ils sont dans un juste milieu et ils sont justes. Ils ne sont ni dans l'extrême, ni dans le laxisme. يقول في هذا العصر ناس ينتهجون المنهج السلفي فيذهبون يسلكون مسالك السياسيين في التهويل والتمييع والمداهنات ويسمون هذا حكمة. Il dit, à notre époque, il y a des gens qui prennent la voie salafie. Ils vont caresser dans, ils agissent comme les politiciens. Ils appellent ça de la hikma. En fondant dans la masse, en fondant avec les autres groupes, en les caressant dans le sens du poil, ils appellent ça la hikma. يقول أو شدة تهلك المنهج وتأخذ بخناقه وتشوهه وتنفر الناس منه فلا هذا ولا ذاك وإنما الاعتداد هو الذي يؤتي ويعطي الدعوة السلفية الصورة اللاقة بها من جمالها وحسنها ويسرها وبعدها عن المنفرات. Il dit ou alors une autre partie de gens, qui sont allés à l'extrême dans la dureté. Cette dureté et cette sévérité qui fait du mal à la voie salafie et qui la défigure et qui fait sauver les gens de la voie salafie. Elle dit ni cela, ni la voie de ceux qui caressent dans le sens du poil, ni la voie de ceux qui sont durs, mais il faut un juste au milieu. Et le juste au milieu, c'est ce qui donne à la voie salafie sa réelle image et l'image qu'il mérite. Et qui fait apparaître la voie salafie sur, qui fait apparaître la bonté de la voie salafie et la facilité de cette voie et qui fait éloigner la voie salafie de tout ce que, de toutes les choses qui vont faire éloigner les gens. يقول يفهم بعض الناس من التيسير أنه المداهنة فيسلكون طرق المداهنة ويفهم من الحكمة التي أمر الله بها يفهم منها أنها هي المداهنة والطرق السياسية التي تقتل الإسلام فلا هذا ولا ذاك. Et dit, certaines personnes comprennent de la facilité le fait de caresser dans le sens du poil. Et donc, ils vont prendre le chemin d'Yel Moudahana. Caresser tout le monde dans le sens du poil et fondre avec tout le monde. Et ils croient que ça, ils comprennent que ça, c'est la hikma qu'Allah a ordonné. Et que la hikma, c'est ces voies politiques qui tuent l'islam. Il dit, ni ça, ni ça. يقول يفهم بعض الناس من حتى الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف على التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من البدع وأهلها أنها شدة والغلظة المطلقة والجفاء وسلوكه كل طرق التنفير والتشويه للدعوة السلفية وهذا أظن أنه جرى منه شيء كثير في كل بلاد الإسلام وفي الجزائر نفسها. Il dit certaines personnes comprennent du fait que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a incité, a fait obligatoire qu'il faut suivre sa sunna, suivre la voie du pieux prédécesseur d'Allah Alim, et qu'il faut se cramponner au livre et à la sunna, et qu'il faut avertir contre les innovations et les innovateurs. Ils ont compris de ça, la sévérité, la dureté, ils ont pris tous les chemins qui vont faire éloigner les gens de la da'wah salafie. Il dit ceci, je crois que c'est arrivé dans tous les pays musulmans, et c'est arrivé aussi en Algérie. يقول وقد جربت من نتائج هذين المنهجين منهج التمييع والمداهنات والدفاع عن الباطل بطرق شيطانية ومنهج التشدد الذي أول ما يفتك بالسلفية وأهلها فلا هذا ولا ذاك لا غلو ولا شدة ولا تميع ولا تفريط ولا مداهنات. Il dit vous avez expérimenté et vous avez vu le résultat de ces deux voies. La voie du tamayur qui est le fait de fondre avec tout le monde et de caresser tout le monde dans le sens du poil et de défendre les gens du faux par des voies sataniques et aussi la voie de l'extrémisme de la dureté. Cette voie qui tue la da'wa salafie et les gens de la salafia. Ni cette voie ni l'autre, ni l'extrémisme, ni la dureté, ni le laxisme, ni le fait de caresser dans le sens du poil. يقول لكن نقول ما هو الميزان والمقياس الذي يعرف به التوسط والاعتدال من التشدد والتمييع فإن الكل يدعي أنه صاحب الوسطية وأن فهمه لا هو الفهم الصحيح. وفي الجواب على هذا السؤال يقول العلامة ربيع المدخلي عفى الله عنه والميزان للتوسط أو الغلو والجفاء والتمييع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح لا أهل الأهواء ولا مناهجهم الفاسدة المرتبطة بالمصالح الدنيوية. إذنك يوندي سيكوا لو بارومتر la question qui s'oppose à nous c'est quoi le baromètre pour connaître le juste milieu. Pour être dans un juste milieu, ni dans la dureté, ni dans le laxisme. Car tout un chacun prétend qu'il est, qu'il est celui qui est dans le juste milieu. Et que sa compréhension, c'est la bonne compréhension. Pour répondre à cette question, il dit, Cheikh Rabi, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Le baromètre du juste au milieu est de l'extrémisme et du laxisme et du fait de fondre avec tout le monde. Le baromètre pour juger tout ça, c'est le livre d'Allah, la sunna du messager alayhi salam et la voix des pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Et non les gens de l'innovation, et non les voix fausses des gens de l'innovation qui ont rapport avec les intérêts mondains et les intérêts mondains et les intérêts personnels. et fait partie aussi des fondements des gens de la Sunna qui les différencie et qui fait leur particularité par rapport aux gens de l'innovation, c'est qu'ils aiment la Sunna et les gens de la Sunna. Et Cheikh Rabi'a nous donne des éclaircissements, notamment dans son interprétation de Aqidat Salaf, les gens du hadith de l'imam Sabouni, rahimahullah. يقول ذكر المؤلف قبل هذا الفصل مزايا أهل السنة والحديث رحمه الله رحمهم الله ومن أعظم علامات محبتهم لأهل السنة وقال حفظه الله فإن حب المؤمنين المخلصين الصادقين في إيمانهم من الأنبياء والصالحين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدهم أئمة الهدى وأهل الحديث في كل زمان ومكان أمر يحتمه الإسلام ودان به أهل السنة والجماعة كما أن ذكر محاسنهم والذب عنهم وعن منهجهم أمر يحتمه الإسلام Et il dit حفظه الله تعالى que l'auteur, c'est-à-dire l'imam Sabouni رحمة الله عليه, a cité les particularités des gens de la Sunna et les gens du Hadith, qui sont les gens du Hadith, et fait partie de leurs grandes caractéristiques et de leurs grandes qualités, c'est qu'ils aiment les gens de la Sunna. Leur amour pour les gens de la Sunna. Leur amour pour la Sunna et pour les gens de la Sunna. Cheikh Rabi', il dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve le fait d'aimer les croyants sincères, les croyants véridiques, qui sont véridiques dans leur foi, à leur tête les prophètes, les vertueux, et à leur tête les nobles compagnons du messager alayhi salam. Le fait d'aimer tout cela et d'aimer aussi les grands hommes de science et les grands imams de la guidance, parmi les gens du hadith, en tout lieu, en tout temps, c'est quelque chose que l'islam rend obligatoire. Et c'est la religion sur laquelle étaient les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et aussi le fait de citer leurs cas, leurs bonnes qualités et de les défendre, ça c'est une voie qui est obligatoire dans l'islam. C'est une voie qui est obligatoire d'aimer les gens de la sunna, de ne les citer qu'avec le bien et de les défendre. وقال حفظه الله معلقا على كلام للحداد فوز البحرين وهو قوله وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله جل جلاله ومنه فضلا منه جل جلاله ومنه et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve commentant certaines paroles du Haddadi ce Fawzi al-Bahraini ce Fawzi al-Bahraini ramène cette parole et il dit il fait partie des signes des gens de la sunna c'est qu'ils aiment les imams de la sunna et les hommes de science de la sunna et ceux qui font triompher la sunna et les alliés des gens de la sunna, et qu'ils détestent les imams de l'innovation, qui appellent vers le feu de l'enfer, et qui orientent leurs disciples vers leur perte, et il dit toujours les paroles de l'Bahraini, Allah subhanahu wa ta'ala a embelli les cœurs des gens de la sunna, et il les a illuminés avec le fait d'aimer les hommes de science de la sunna. Et ceci, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal pour les gens de la Sunna. Et maintenant, le commentaire de Cheikh Rabi' concernant ce passage du Fawzi al-Bahraini. قال الشيخ ربيع هذه العلامات إنما تنطبق على أهل السنة حقا فهم يحبون أهل السنة وعلماءها وأنصارها من السابقين واللاحقين في كل بقاع الأرض مشارقها ومغاربها والحدادية أعداؤهم وأعداء علمائهم. الشيخ ربيع دي répliquant et commentant ce passage de Fawzi al-Bahraini, il a dit ces signes correspondent aux gens de la sunna véridiquement. C'est les gens de la sunna véridiquement qui aiment les gens de la sunna et les hommes de science de la sunna et ceux qui font triompher la sunna, que ce soit parmi les anciens ou parmi les contemporains et qu'ils soient partout où ils soient, à l'est ou à l'ouest de la terre. Mais les Haddadis, ce sont les ennemis des gens de la Sunna et les ennemis des hommes de science de la Sunna, des hommes de science de la Sunna. وقال سدده الله في شرحه لعقيدة السلف الإمام الصابوني في الفصل السابق. تكلم المصنف عن علامات أهل البدع ومن علاماتهم بغضهم لأهل السنة، وفي هذا الفصل يتكلم عن علامات أهل السنة ومنها حبهم لأهل السنة. قال رحمه الله: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة، فإذا رأت الرجل يحب من ذكرهم وأمثالهم من أئمة الإسلام هذا إن شاء الله علامة على أنه من أهل السنة، إذ يجب حب هؤلاء وموالاتهم، فهم أئمتنا وأحباؤنا وقدوتنا وأسوتنا. فمن يبغض الآن مثلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله، ما هو منهجه؟ الذي يبغض ابن باز والألباني وابن عثيمين وأمثال هؤلاء، ما هو منهجه؟ لا شك من أهل البدع والضلال، تجد فرقا متحزبة لا تحترم هؤلاء بل تبغضهم وتناقض منهجهم، نسأل الله العافية. وهؤلاء مصيرهم مصير أهل البدع، ونحن نتولى هؤلاء العلماء لأنهم حفظوا السنة وبلغوها، حفظوا العقيدة وبلغوها، جاهدوا في سبيل الله في سبيل ذلك وناضلوا رحمهم الله، فلهم منا الولاء والحب. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans l'explication qu'il a fait à Aqidat al-Salaf de l'imam Sabouni. Il a dit dans le chapitre d'avant, l'auteur, c'est-à-dire l'imam Sabouni, a parlé des signes, des caractéristiques des gens de l'innovation. Et il a dit que fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation, c'est qu'ils détestent les gens de la sunna. Et dans ce chapitre, il va parler des signes des gens de la sunna. Et fait partie des signes des gens de la sunna, c'est qu'elles aiment les gens de la sunna. Et il a dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le couvre de sa sainte miséricorde, c'est-à-dire Sabouni. Et certaines caractéristiques des gens de la sunna, c'est qu'elles aiment les imams de la sunna et les hommes de science de la sunna. Et il a dit, si tu vois l'homme aimer ceux qui sont cités, et leur similaire parmi les imams de l'islam, celui-là, Inch'Allah, ceci, Inch'Allah, est un signe comme quoi que cet homme-là, qui aime les gens de la sunna, fait partie des gens de la sunna. Parce qu'il aime ceux-là, il s'allie à eux, ce sont nos imams, ce sont nos modèles, ce sont nos modèles sur le chemin, ce sont ceux que nous aimons. Il dit, celui qui déteste maintenant, par exemple, Ibn Taymiyyah, Ibn Abd al-Wahhab, c'est quoi sa voix? Et celui qui déteste Ibn Baz, il a Albani, Ibn Uthaymin, il est similaire de ceux-là, c'est quoi sa voix? Il dit, il n'y a aucun doute qu'il fait partie des gens de l'innovation et de l'égarement. Il dit, tu trouves des groupes, hein, qui ne respectent pas, des groupes, hein, et des partisans de groupes qui ne respectent pas cela, ils les détestent. Et ils ont une autre voix qui est en contradiction avec la voix de ceux-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ceux-là, hein, ce sont des gens de l'innovation. Et leur fin, c'est la fin des gens de l'innovation. Et il dit, Havidallah, et nous, on s'allie. Notre alliance est pour ces hommes de science, car ils ont préservé la sunna. Ils l'ont transmise, ils ont préservé la aqida, ils l'ont transmise, ils ont combattu pour tout cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde, nous les aimons et notre alliance est pour eux. Et vu que l'amour de la sunna et des gens de la sunna, c'est un des signes comme quoi l'homme fait partie des gens de la sunna. Bah, le contraire de ça, c'est que quand quelqu'un déteste les gens de la sunna et déteste la sunna, c'est qu'il fait partie des gens de l'innovation, de ceux qui suivent leur passion. Et parmi les règles chez les salafs, qui font la particularité des salafs par rapport aux gens de l'innovation, c'est qu'ils disent, leurs règles, fait partie des signes des gens de l'innovation, c'est de calomnier et d'accuser injustement les gens de la sunna. Ils ont écrit ceci dans les livres des croyances, comme tu le vois dans la aqida du salaf, ashab al-hadith de l'imam Sabouni, Il affirme comme quoi le fait d'être l'ennemi des gens de la sunna et de les critiquer injustement est un des signes apparents et clairs parmi les signes des innovateurs. Et les signes des gens de l'innovation, ils sont apparents sur les innovateurs. Et l'un des plus grands signes qui les fait montrer, c'est leur grande haine contre les gens du hadith, contre les gens de la sunna. Et comment ils les méprisent, comment ils les détestent. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi, il dit, en commentant les paroles de l'imam Sabun, rahimahullah, ذكر المؤلف قبل هذا الفصل مزايا أهل السنة وأهل الحديث رحمهم الله ومن أعظم علاماتهم محبتهم لأهل السنة وذكر لهم بعض العلامات الأخرى وهنا يتحدث عن علامات أهل البدع قال وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذه أبرز وأظهر علامات أهل البدع لا تجد رافضيا ولا صوفيا ولا سياسيا حزبيا ولا من يدور في فلك هؤلاء من الكذابين الزاعمين أنهم سلفيون لا تجده إلا يبغض أهل الحديث ولا يطيق سماع ذكرهم ولا سيما من يتصدى لبدعهم وضلالاتهم وبدع شيوخهم فإنهم يحاربونه أشد الحرب وبشتى الوسائل قد يفوقون اليهود في الكذب والإشاعات الكاذبة الباطلة. Et Cheikh Rabi', commentant certaines paroles de l'imam Sabouni rahimahullah, il a dit que Sabouni rahimahullah alayhi, avant ce chapitre, il a parlé des qualités et des particularités des gens de la sunna et des gens du hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Et parmi les grandes qualités, c'est que les gens du hadith et de la sunna aiment les gens de la sunna. Et il a cité aussi d'autres caractéristiques des gens de la sunna. Et ici, il parle des caractéristiques des gens de l'innovation. Et il a dit, il fait partie de leurs grands signes, de leurs grandes caractéristiques, leur grande haine pour ceux qui transmettent les hadiths du messager alayhi salam, pour les mémorisateurs et pour les hommes du hadith et de la sunna du messager alayhi salam. Il dit ça, c'est l'une des caractéristiques apparentes des gens de l'innovation. Il dit, tu ne trouveras pas un rafidhi ou un soufi ou un politicien faisant partie de ces partis, qui tournent dont le gérant de tout cela parmi ces menteurs, qui prétendent qu'ils sont salafis, trouvent que tous, ils détestent les gens du hadith. Et ils n'aiment pas, ils ne supportent pas le fait d'entendre, de les entendre quand on les cite devant eux. Et surtout de citer devant eux ceux qui s'attaquent à leurs innovations, à leurs égarements, et aux bidah et aux innovations de leurs maîtres, de pensée et à leurs chouyours. Celui-là, ils le combattent d'un grand combat, et par tous les moyens. Et ils vont même dépasser les juifs en montant et en propageant des fausses rumeurs sur lui et des calomnies sur lui. Attention, il ne les a pas traités de juifs, non. Mais il a dit, ils vont dépasser les juifs dans le fait de le calomnier et de propager des accusations fausses contre lui. N'as-tu pas entendu ceux qui ont calomnié Cheikh l'Albani, rahmatullah alayhi, quand il a fait sa fatwa pour les Palestiniens de quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient la force pour y revenir. Et il leur a donné comme exemple que la meilleure des terres, c'est la Mecque, et que le meilleur des hommes étant le messager alayhi salam, qu'il a quitté la Mecque, le meilleur homme a quitté la meilleure des terres. Et après, certains l'ont traité, ils ont dit, il a fait cette fatwa parce que, l'iyadan billah, sa mère est juive. A'oudu billah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadiba. Quel gros mensonge ils ont émis. Qu'est-ce qu'ils vont faire devant Allah, azza wa jal? Ils sont ainsi, comme il les a décrit Cheikh Rabi ici. فإذا رأيت إنسانا يقول الشيخ ربيع فإذا رأيت إنسانا يطعن في أهل السنة فهذا دليل على أنه مبتدع وقد يكون زنديقا إذا رأيت إنسانا يطعن في أهل السنة وفي أهل الحديث فما يطعن فيهم إلا وهو مخالف لهم محتقر لما عندهم لا شك في ذلك. إيه quand tu vois quelqu'un dénigrer et parler mal des gens de la sunna, cela prouve que c'est un innovateur. Cela prouve que c'est un zindiq. Zindiq est l'équivalent d'hypocrite. Quand tu vois quelqu'un accuser les gens de la sunna et les gens du hadith, les dénigrer, tu verras toujours qu'il est en divergence avec eux. Et qu'ils méprisent la sunna qu'ils mettent en application. Et t'as qu'à voir tous ceux qui parlent sur Cheikh Rabi' et sur les grands imams. Comment ils sont? Est-ce qu'ils accomplissent la sunna et la voie des pieux prédisseurs d'Allah Alim? Et les exemples dans les pays francophones sont nombreux. وإلا فما الذي يدفعه إلى الطعن في أهل السنة وأهلها ما يدفعه إلا أنه ضال وينطوي على زيغ وخبت وشر فهذا من علاماتهم هذا من علامات أهل الشر وعلامات أهل البدع ولو قال أني من أهل السنة فلا تصدقوا لأنه كذاب. Il dit qu'est-ce qui les pousse à critiquer ainsi et accuser ainsi les gens de la sunna? Qu'est-ce qui les pousse? Ce qui les pousse tout simplement c'est que ce sont des égarés. Et que dans leur intérieur, ils sont déviants. Ils portent l'impureté et le mal en eux. Et ça, ça fait partie de leurs caractéristiques. Ça fait partie des caractéristiques des gens du mal et des caractéristiques des gens de l'innovation. Le fait de critiquer et de dénigrer les gens de la sunna. Même s'il dit qu'il est fait partie des gens de la sunna. Ne le prends pas comme véridique. C'est un menteur. يقول وكثير من هؤلاء المزيفين الكذابين يقولون لك ناس لفي وهو كذاب ما قال هذا إلا مكيدة مثل المنافق يقول أنا مؤمن أنا مسلم يقول أنا مسلم المنافق لا يقول أنا كافر وأنا منافق وأنا أكره الإسلام بل يقول أنا مسلم ويصلي ويتصدق ويفعل وكذا وهو يحارب الإسلام ويبغض أهله. فكثير من الناس الآن من يقول أنا سلفي ولا تراه إلا يبغض أهل الحديث ويطعن فيهم. Il dit beaucoup parmi ces faux, ces menteurs faux, disent je suis salafi alors que c'est des menteurs. Il dit ça par conspiration. Il dit comme les hypocrites. L'hypocrite, il dit je suis croyant, je suis muslim, je suis muslim. Et il dira jamais, l'hypocrite, il dira jamais je suis mécréant. Il dira jamais je suis hypocrite et que je déteste l'islam. Mais il dit je suis musulman. Il va prier, il va donner la charité, il va faire des choses. Mais en même temps, il combat l'islam et il déteste les gens de l'islam. Il dit beaucoup de gens aujourd'hui disent je suis salafi et tu vois qu'ils détestent les gens du hadith et ils les critiquent et ils détestent les gens de l'islam, ils les critiquent. يقول أهل الحديث موجودون والحمد لله وموجودون في مكة موجودون في المدينة موجودون في اليمن في الهند في باكستان في كل مكان وهو لا صلة له بأهل الحديث إلا الحرب يوالي أهل البدع ظاهرا وباطنا ويدافع عنهم ويستميت في الدفاع عنهم فهؤلاء لا شك أنهم مبتدعة ولو سموا أنفسهم ما سموا ووصفوا أنفسهم ما وصفوا فهذه من العلامات التي تبين حالهم. Il dit, Hafdallahu ta'ala, les gens du hadith, il a louange à Allah, ils existent. Ils existent à la Mecque, ils existent à Médine, ils existent au Yémen, ils existent en Inde, ils existent au Pakistan, ils existent en tout lieu. Et lui, il n'a aucun rapport avec les gens du hadith. Son rapport avec eux, c'est juste de leur faire la guerre. Il s'allie avec les gens de l'innovation, dans son apparence, dans son intérieur. Il les défend. Et il fait, il utilise tous les moyens qu'il a pour les défendre, pour défendre les gens de l'innovation. Et de celui-là, il n'y a aucun doute qu'il fait partie des innovateurs, même s'il se donne le nom qu'il veut, même s'il décrit, il se décrit de n'importe quelle description. Le fait qu'il agit ainsi, c'est un des signes qui montre sa situation. Il faut savoir que si la règle salafie dont la signification du souci fait partie des signes des gens de l'innovation, c'est dénigrer et d'accuser les gens du hadith. Il n'est pas spécifique tout simplement pour ceux qui dénigrent les anciens imams du hadith. Il concerne tout un chacun qui dénigre et qui calomnie les gens du hadith et les gens de la sunna, où qu'ils soient, et en n'importe quel temps, et en n'importe où ils soient. Les contemporains aussi rentrent dedans, il n'y a pas de différence. وقد نبى على ذلك العلامة ربيع المدخلي حفظه الله حيث قال وما المانع من اتهام من يطعن في إعلام السنة في هذا العصر كما كان سلفنا يتهمون من يطعن في حماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعي وأمثالهم ما المانع والعلة والعلة واحدة et Cheikh Rabi il dit il attire notre attention sur ce point il dit qu'est-ce qui nous empêche d'accuser ceux qui dénigrent les emblèmes de la sunna à notre époque, de les accuser comme le faisait nos pieux prédécesseurs d'Allah Alain, qui accusait tout un chacun sur sa voie, sur sa religion, tout un chacun qui dénigrait Hamad ibn Salama ou Hamad ibn Zayd ou l'Auza'i ou leur séminaire, il les accusait dans leur religion et il les critiquait. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire par rapport à ceux qui accuse et qui dénigre les gens de la sunna et les emblèmes de la sunna contemporains. يقول فإذا كان الأولون يتهمون لأنهم يطعنون في هؤلاء الأعلام من أجل أنهم متمسكون بالسنة فما المانع من إلحاق ورثتهم بهم بل هؤلاء الخلوف حق بالاتهام لأنهم سلكوا كل الطرق الشيطانية واستخدموا كل ما يستطيعونه من وسائل النشر والإذاعة والإشاعة في تشويه أهل السنة وأعلامهم. Il dit, c'est le premier. Accuser tout un chacun qui dénigrait et qui parlait mal sur les emblèmes de la sunna, parce que tout simplement ces gens s'attachaient à la sunna, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de faire de même de leurs héritiers? Ces leurs héritiers méritent plus d'être accusés, car ces héritiers ont pris toutes les voies sataniques. Ils ont utilisé tous les moyens pour propager les calomnies contre les gens de la sunna. La télé, la radio, tous les moyens de communication pour calomnier les emblèmes de la sunna. Qu'est-ce qui empêche de les accuser, d'avertir contre eux? Rien. C'est la même chose. Que la règle s'implique à eux aussi. Et fait partie des emblèmes de la sunna et de leurs caractéristiques, c'est qu'ils détestent les innovations. Ils blâment les innovations et les gens de l'innovation. Et Cheikh Rabi nous donne des éclaircissements sur ce fondement. Il dit, quand il a interprété l'aqida, aqida al-salaf wa ashab al-hadith, يقول يحكي المصنف الاتفاق على إدلال أهل البدع هذا من جملة عدد من الأئمة يحكون الإجماع على بغض أهل البدع وقهرهم وإدلالهم منهم هذا المصنف ومنهم البغوي وغيرهما حكوا هذا الإجماع السلف والأئمة عندهم ولاء لله وحب لله وبغض فيه يبغضون أهل البدع ويقهرونهم وينابدونهم ويحذرون من شرهم قال حفظه الله أما نحن فوالله نبغض أهل البدع ولقد حكى البغوي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على بغض أهل البدع وإهانتهم فنحن والله نتقرب إلى الله ببغض أهل البدع الشيخ ربيع دنودير que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans l'interprétation de sa de l'aqida des pieux prédisseurs et des gens du hadith de l'imam Sabouni. Il dit que l'auteur a cité l'unanimité, c'est-à-dire l'unanimité des gens de la sunna, sur le fait d'écraser et de rabaisser les gens de l'innovation. Et il a cité un certain nombre de grands imams qui rapportent l'ijma, le consensus sur le fait de détester les gens de l'innovation et de les rabaisser, et fait partie d'eux Saboni, et fait partie d'eux le Baraoui, et autres ont rapporté le consensus. Les pieux prédécesseurs et les grands imams, ils ont l'alliance pour Allah, l'amour pour Allah, ils détestent pour Allah, ils aiment pour Allah, et ils détestent les gens de l'innovation, et ils les rabaissent, et ils avertissent contre eux et contre leur mal. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Rabi a dit, quant à nous, par Allah, on déteste les gens de l'innovation. Et il a cité, le Baraoui, il a cité comme quoi, le Baraoui a cité le consensus des nobles compagnons, de leurs successeurs et de ceux qui les ont suivis sur le fait, le consensus est fait sur le fait de détester les gens de l'innovation, de les rabaisser, de les négliger. Et Cheikh Rabi, il dit, nous, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de détester les gens de l'innovation. Et fait partie des fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est qu'ils respectent les hommes de science de la sunna, ils les aiment, ils ne les citent qu'en bien. Et pour confirmer ce fondement salafi, l'érudit Cheikh Rabi, il nous dit ceci, « Wa ahlu sunna wa ahlu sahab »« Sahab »« Humu alladhina yatawallawna ulama al-sunna intilaqan min manhaj al-salaf » ومنهج الكتاب والسنة ويجلون علماء السنة ويحترمونهم وينشرون كتبهم ومقالاتهم وأشرطتهم ويذبون عن عقيدتهم ومنهجهم. وأما شبكة الأثر الحدادية فهي المعادية لعلماء السنة والمحرشة بينهم والسعية في تفريقهم وتمزيقهم وتشتيت شملهم. إيه Pour confirmer ce fondement salafi, Cheikh Rabi dit, les gens de la sunna et les gens du sahab. Sahab, c'est ce site salafi, le site du sahab. Il dit, et les gens de la sunna et les gens du sahab, ce sont eux qui s'allient, qui ont l'alliance avec les hommes de science de la sunna. Et leur point de départ dans tout ça, c'est la voix du pieux prédécesseur d'Allah Alim, la voix du livre et de la sunna. Et ils respectent les hommes de science de la sunna. Ils les respectent, ils leur donnent leur place qu'ils méritent. Ils propagent leurs livres, leurs exposés, leurs écrits, leurs audios. Et ils défendent leur aqidah et leur voix et ils les défendent. Quant à au site l'Athari, qui est un site haddadi, c'est le site qui a la haine contre les hommes de science de la sunna. Et c'est le site qui excite les gens contre les gens de la sunna. Et qui utilise tous les moyens pour créer la zizanie entre les hommes de la sunna et pour les disperser et les diviser. يقول وعندما يقول هؤلاء العلماء الحق الذي يخالف منهج هؤلاء الحدادية يسقطون أقوالهم ولا يقيمون لها وزنا كما هي حالهم مع أقوال الإمام أحمد وإخوانه خاصة في قضية الإيمان والإرجاء فهم لا يسيرون على طريقة فيهما ولا يسيرون على طريقة في احترام أهل السنة واحترام منهجهم والذب عنه وعنهم والذب عنه وعنهم إلدي حفظه الله كنت لي contre ceux-là, contre ces hommes de science disent la vérité, qui est en contradiction, en divergence avec la voix des Haddadi, les Haddadi, ils essayent de faire tomber les paroles et les positions de ces hommes de science. Ils essayent de le faire tomber. Ils ne donnent aucune importance aux paroles des hommes de science comme leur façon d'agir avec les paroles de l'imam Ahmed et de ses similaires, surtout concernant le sujet de la foi et de l'irja. Ils ne sont pas sur la voie des hommes de science. Ils ne sont pas dans la voie des hommes de science concernant l'iman ou l'irja. Ni ils sont dans la voie et ils ne le sont pas concernant le respect des gens de la sunna et des hommes de science de la sunna. Ils ne sont pas dans la voie des gens de la sunna. Ils défendent pas les hommes de la sunna, au contraire, ils les attaquent, ils les calomnient, ils les accusent d'énormité, wal'iyadan billah. وقال حفظه الله الفرق الهائل بين أهل السنة وبين الحدادية في الأخلاق والتراحم والعدل والإنصاف واحترام أهل السنة. Et Cheikh Rabi a dit, la grande différence qu'il y a entre les gens de la sunna et les haddadi, c'est dans le comportement, et dans le fait que les gens de la sunna ont une certaine clémence pour les autres. Et les gens de la sunna sont dans un juste milieu, sont justes, sont équitables, et ils respectent les gens de la sunna. وقال حفظه الله: عرف الحداديون بالكذب، وعرفوا منذ ظهروا بالخصومة ضد أهل السنة ومسايرتهم لأهل الأهواء، وعرفوا أن أهدافهم إسقاط علماء السنة المعاصرين وتبديعهم، لأنهم يترحمون على أمثال ابن حجر والنووي والشوكاني وابن الجوزي، ويبدعون من يترحم عليهم ويحاربونهم ويعادونهم. وعرفوا بطعنهم في العلماء المعاصرين، وامتد طعنهم إلى ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز شارح طحاوية. فكم الفروق بينهم وبين سلفيين يحترمون العلماء السلفيين المعاصرين ويسيرون على نهج السلف. يلدي حفظه الله: لي حدادي ont été connus par leurs mensonges. Ils ont été connus comme quoi ils ont la haine contre les gens de la Sunna. Et que ils vont dans le même sens que les gens de l'innovation. Et le but des Haddadi, c'est le fait de faire tomber les hommes de science de la Sunna contemporain et de décréter leur innovation. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes de la Sunna contemporain font du dua sur des hommes de science comme Ibn Hajar, comme Nawawi, comme Shawkani, comme Ibn al-Jawzi. Et les Haddadi rendent innovateur tout un chacun qui fait du'a ou similaire de cela. Et les combattent aussi. Et ils les prennent comme ennemis. Ils ont été connus par le dénigrement des hommes de science contemporains et par leurs fausses accusations des hommes de science contemporains. Et leurs fausses accusations et leurs dénigrements a dépassé les contemporains pour atteindre Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abi al-Izz. L'interprétateur, celui qui a expliqué Tahawiya, regarde, il dit: cher, combien de différences il y a entre eux et les salafis qui respectent les hommes de science salafis contemporains et qui sont sur la même voie qu'eux. وقال حفظه الله: أهل السنة لا ينتسبون إلا للكتاب لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترمون العلماء. Il a dit que Allah سبحانه وتعالى préserve et allonge sa vie dans son obéissance et le guérisse les gens de la Sunna. Ne s'attribue, ne s'affilie que au livre d'Allah et à la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Et il respecte les hommes de science. Wa qala hafidhahu Allah min usul ahli sunnah ihtiram al ulama. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, fait partie des fondements des gens de la sunna, c'est le respect des hommes de science. Wa qala al-shaykh hafidhahu Allah inna mawqifi min al ulama al-awwalin wal akhirin huwa mawqifu ahli sunnah min ijlalihim wa ihtiramihim wa dabbi anhum. Et il a dit hafidhahu Allah ta'ala: ma position vis-à-vis des hommes de science, les anciens et les derniers, c'est la position de tous les gens de la Sunna. Le respect, les défendre, les respecter, leur reconnaître leur place et leur valeur. Et ce qui est étonnant, c'est que cette particularité des salafis, qui est le fait de respecter les hommes de science, de leur reconnaître leur place, c'est quelque chose qui excite la haine des Hizbi, excite la haine de tous ceux qui sont en divergence avec la Sunna. Comme l'a cité Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, quand il a dit: يغيظ هؤلاء الحزبيين أن يروا أهل السنة يحترمون ويوقرون علماءهم وأهل السنة فيهم فيرون أو يوهمون رعاهم أنه تمجيد وتعظيم من جنس تعظيم وتمجيد غلاة الصوفية وغلاة الحزبية لشيوخهم، فيصدقونهم ويسيرون وراءهم كالأنعام لا يفرقون بين حق وباطل بل يرون باطلهم حقا. Et la chose étonnante, c'est que cette particularité des salafis excite la haine des Hizbi, de tous ceux qui sont en divergence avec la Sunna. Et Cheikh Rabi' nous a éclairé sur ce point. Il dit: le fait de respecter, que les gens de la Sunna respectent leur homme de science et leur reconnaissent leur place, ceci excite la haine des Hizbi. Et ils donnent, et ces Hizbi donnent l'illusion à leurs disciples, comme quoi que la façon de faire des gens de la Sunna, c'est une sorte de vénération comme font les extrémistes des soufis. et comme font les extrémistes Hizbi pour leur chouyour. Et ces pauvres croient en ces mensonges, car ils courent derrière eux comme des bêtes, car ces disciples ne font pas la différence entre le vrai et le faux. Ils voient que le vrai, c'est le faux. Ils font pas la différence. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Même ça, le fait de respecter les hommes de la sunna, ils excitent la haine. Ça, ils aiment pas ça. Et fait partie du fait de respecter les gens de la sunna, il fait partie du respect des gens de la sunna, leurs hommes de science, c'est qu'ils sont, ils sont fiers d'eux. Ils les défendent. Ils les défendent. Ils défendent leurs honneurs. Ils repoussent les calomnies et les fausses accusations. Que ce soit à partir de livres ou d'audio ou en parlant dans une conférence, etc. Dans ce sens-là, Cheikh Rabi' il nous dit ceci. الألباني يحسد ولكن يحسده أهل الشر من أهل البدع المتعصبين المذهبية العمياء وأما أهل السنة فهم يعتزون به ومنهم ربيع ويتمنون الألوف من أمثاله في الدنيا فلا يحسدونه ولا يحسدون ابن باز ولا يحسدون أحدا من إعلام السنة إنما يعتزون بهم ويؤازرونهم ويناصرونهم ويشجعونهم على حمل لواء السنة. Et Cheikh Rabi' de nous dire, l'Albani, c'est-à-dire les gens du mal, ont une grande jalousie contre l'Albani, les innovateurs, et surtout les sectaires des écoles, les sectaires des écoles de jurisprudence et ces imitateurs qui imitent d'une façon aveugle, ont une grande haine contre Cheikh l'Albani. Et les innovateurs aussi la même chose. Mais les gens de la sunna, l'Albani est une fierté pour eux. Ils sont fiers de Cheikh l'Albani. Il fait partie de ceux qui sont fiers de Cheikh l'Albani, Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi', il dit, j'espère qu'il y ait des milliers de l'Albani dans ce monde. Et il dit, et j'espère qu'il y ait des milliers de Ibn Baz. On les jalouse pas, on n'a pas la haine contre eux. Ce sont notre fierté, on les aide, on est de leur côté, on les encourage à porter l'étendard de la sunna, et on est de leur côté. وقال حفظه الله ونصره السلفيون والحمد لله لا يرون أن الدين يهتز لتخطئة أحد ولكنهم يرفضون إلصاق التهم الفاجرة سواء ضد الصحابة وضد علماء الإسلام كائنين من كانوا بل يحاربون الظلم ولو كان لكافرين ومن هنا يدافعون عن أئمة الإسلام ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب يقول الله سبحانه وتعالى لسلفي للونجت الله ne voit pas que la religion va être ébranlée à cause parce qu'on a dit que tel homme de science il a commis une erreur. Mais les salafis refusent le fait de coller des étiquettes ou d'accuser quelqu'un faussement. Le fait d'accuser les nobles compagnons, le fait d'accuser et d'émettre des calomnies contre les hommes de science de l'islam. Les salafis combattent l'injustice. Et partant de là, ils défendent les grands imams de l'islam et fait partie de ces grands imams qui sont défendus par les hommes de science, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Wahhab et d'autres. وقال حفظه الله أهل المنهج السلفي في أي مكان فإنهم هم الذين يذبون عن أراضي العلماء وهم الذين يدرسون عليهم ويشدون إليهم الرحال ليستفيدوا من علمهم لا رياء ولا تصيدا للأغرار لجرهم إلى الحزبيات وهم والحمد لله الذين ينشرون كتبهم وأشرطتهم ويدعون الناس إلى احترامها ونهل العلم الصحيح والعقائد الصحيحة منها في داخل المملكة العربية وخارجها ويبذلون أموالهم لنشرها. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Les gens de la voie salafie ont tout lieu Ce sont ceux qui défendent les hommes de science et les honneurs des hommes de science. Ce sont ceux qui vont étudier chez les hommes de science. Ce sont ceux qui vont quitter leur pays pour aller voyager, pour aller apprendre chez les hommes de science. Ils le font pas, ils font pas ce voyage pour l'ostentation, ni pour avoir dans leur filet des jeunes qu'ils vont attirer vers la Hizbiya. Il dit non, louange à Allah, c'est les gens de la Salafia, ce sont eux qui propagent les livres des hommes de science, leurs audios, et qui appellent les gens à respecter les hommes de science, et qui appellent les gens à prendre la science authentique des hommes de science, et à prendre la aqida authentique chez les hommes de science. Et il dit, comme ce qui se passe en Arabie Saoudite, et en dehors de l'Arabie Saoudite, il y a des gens, des salafis qui dépensent leur fortune pour propager les livres des hommes de science et pour les défendre. Et nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, wa subhanakallahu wa bihamdika, ajadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.